plusieurs organismes du monde syndical et communautaire ont demandé hier l'intervention de la Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue afin que soit organisé un débat sur l'exploitation de mines à ciel ouvert en Abitibi-Témiscamingue. Certains intervenants ont d'ailleurs critiqué le silence de la Conférence régionale des élus parce qu'ils avaient préalablement demandé à l'organisme de se positionner quant à un tel débat et ça n'avait pas encore été fait. Notre invité, Simon Letendre, il est adjoint à la direction à la Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Letendre, bonjour. Bonjour. Comment l'expliquer, ce silence-là, d'ailleurs? C'est un silence qui en est pas un. Chez nous, on travaille très fort depuis la venue du BAP en région sur le dossier Ossico. Évidemment, à ce moment-là, on a été beaucoup interpellés par différentes organisations et là par la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine de façon publique. Mais aussi, le BAP nous posait beaucoup de questions sur les représentants, le président du BAP nous a posé des questions sur comment on allait poursuivre et traiter le dossier de façon peut-être un peu plus large en Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous aviez des plans là pour à tout le moins un exercice là. Tout à fait. Et c'est depuis ce moment-là finalement qu'on s'est mis à travailler. Et là aujourd'hui, on a mandaté, à vrai dire, il y a quelques semaines, la table sur les ressources minérales, qui est un comité de travail interne à la Conférence régionale des élus, qui est aussi associé à la Commission sur les ressources naturelles. Et c'est eux qui travaillent sur les contenus pour nous faire une proposition de comment, quand, quelle forme que pourrait prendre un événement régional. Hier, vous parliez à notre journaliste Claude Bouchard et vous lui disiez que ça pourrait prendre la forme d'un symposium. Comment vous le voyez là actuellement? Qu'est-ce que vous avez dans votre imaginaire, mais dans votre tête? Comment vous cernez cet exercice-là? La première étape, puis avant de parler un débat, et c'est pour ça qu'on n'a pas répondu aux différents intervenants qui nous interpellent aujourd'hui. La première étape est certainement une mise à niveau. S'assurer que l'ensemble des différents groupes, et ça comprend tant les industriels que les groupes environnementalistes que les groupes sociaux. Donc, il y a une importance de faire une mise à niveau globale pour l'ensemble de ces groupes-là sur ce qu'est le secteur minier, ce qu'il représente pour la région, les préoccupations sur le plan environnemental, évidemment. Donc, et s'assurer que tout le monde va partager des concepts, un langage aussi le plus commun possible. Que tout le monde comprenne la même chose, finalement. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Parce que, évidemment, si on s'embarque dans un débat où on n'a pas fait cet exercice-là au préalable, ça risque d'être un débat de sourds, et c'est pas ça qu'on souhaite en Abitibi-Témiscamingue. On a besoin de gens qui comprennent et qui ont le grand portrait de ce que ça représente pour, après ça, aller plus loin et s'assurer qu'il y ait le plus de gens qui aient cette information. Les organismes qui se sont positionnés hier, qui se sont exprimés hier, ont parlé d'une certaine urgence, en ce sens où, en ce moment, le BAP est en train de fignoler sa décision ou son rapport là, ou ses recommandations. Et il y a aussi la stratégie minérale qui devrait être déposée bientôt de la part de Québec. Et c'est dans ce sens qu'ils ont parlé d'urgence. Donc, est-ce que, selon vous, le fait d'y aller tout d'abord d'une mise à niveau, ça ne va pas allonger le processus? Évidemment, ça va allonger le processus. Oui. Comme je le mentionnais, en souhaitant le faire en deux étapes, ça l'ajoute un délai. Par contre, pour le dossier plus spécifique d'Ossico, je pense que le BAP a fait un travail extraordinaire. Ils ont permis aux gens de s'exprimer. L'ensemble des groupes d'intérêt, les gens qui souhaitaient s'exprimer sur ce projet-là, ont eu la chance de le faire. Et je pense que la plupart l'ont fait. Maintenant, ce qu'il faut avoir comme stratégie, comme plan de match, est beaucoup plus que pour un ou deux projets. On parle du développement minier de l'Abitibi-Témiscamingue. On parle d'une industrie cruciale pour la région. Et si on veut en faire un développement durable, je pense pas que ce soit intéressant ou pertinent de se dépêcher à faire un événement pour tenir un événement. Ce qu'il faut faire, c'est bien le préparer, s'assurer que les gens qui vont y participer vont être aussi bien préparés. Et au-delà de ça, jeter les bases du développement du secteur minier pour les 30, 40, 50 prochaines années, c'est ce qu'on souhaite faire. Le dépôt d'une stratégie minérale de la part de Québec, quelle importance ça prend pour la Conférence régionale des élus? Est-ce que c'est un élément important? Tout à fait. À vrai dire, cette stratégie minérale-là, ça fait plusieurs années maintenant qu'on l'attend. Ça fait aussi un certain moment où nous-mêmes avons écrit un mémoire pour orienter. On a eu beaucoup de discussions aussi avec les intervenants du ministère. Donc, cette stratégie-là, c'est un morceau important dans... pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais maintenant, à ce qu'on entend, il pourrait y avoir un dépôt dans les prochains jours, prochaines semaines, officiel, mais ça fait 2 ans qu'on nous dit ça, mais c'est tout à fait quelque chose d'important et de pertinent pour la région. Et la Conférence régionale des élus, ainsi que les autres conférences régionales d'élus du Québec, ont participé à l'élaboration de cette stratégie minérale-là, en ce sens où est-ce que les régions ont eu leur mot à dire dans une stratégie minérale au Québec? Tout à fait. On a été consultés, l'ensemble des conférences régionales et des régions qui ont une certaine activité minière ont été partie prenante de l'élaboration de la stratégie. Maintenant, il faut voir les résultats. C'est pas parce qu'on a été consulté, c'est pas parce qu'on a donné notre point de vue que ces éléments-là vont être pris de façon intégrale. Maintenant, à la lueur de la représentativité de tous les organismes là qui sont positionnés hier et qui ont publiquement, enfin, fait une demande à la Conférence régionale des élus, jusqu'à quel point vous croyez qu'un débat... Et je vous pose vraiment la question, à la Conférence régionale des élus, jusqu'à quel point vous croyez qu'un débat est nécessaire? En première, en deuxième ou en troisième étape, peu importe, mais est-ce que c'est nécessaire pour la Conférence régionale des élus de faire un débat sur les mines à ciel ouvert en Abitibi-Témiscamingue? À cette question, ce qu'il faut se poser comme... ce qu'il faut avoir en tête, c'est... Finalement, le débat est entamé depuis plusieurs mois. Je pense que le projet Osisko a été un catalyseur important dans ce dossier-là. Il y a d'autres projets aussi qui sont en cours. On le sait, il y a des projets qui sont à différentes étapes de leur cycle. Maintenant, en parlant d'un débat, d'une journée de débat, est-ce que c'est important, nécessaire? C'est certainement quelque chose qui est important pour la région. Maintenant, il faut voir la forme, qui l'organise, parce que ça peut être la conférence régionale, ça peut être une autre organisation, qui l'organise, le moment où ça se tient. Mais la première étape, comme je le mentionnais plus tôt, c'est vraiment de faire une mise à niveau de l'ensemble des intervenants. C'est sur ça sur quoi on travaille présentement. Là, cette mise à niveau-là, vous avez parlé d'un symposium. Est-ce que c'est clair que vous avez dans votre mire l'automne? Si oui, quel mois? Vous parlez de septembre, octobre? On a déterminé l'automne. Je peux pas vous préciser à ce moment-ci à quelle date exactement ça va se tenir. Mm-hmm. On attend un avis de la table sur les ressources minérales pour voir quel sera le contenu. Et soit dit en passant, la table est composée de représentants des secteurs économiques, sociaux et environnementaux, au tiers chacun, pour vraiment s'appuyer sur les principes de développement durable. Donc, on attend un avis de ce groupe-là pour se positionner par la suite sur les contenus et finalement, la durée et le moment. Il y a des possibilités que la stratégie minérale de Québec sorte avant que ce symposium soit organisé? On espère toujours la stratégie le plus rapidement possible. Oui, il y a des possibilités. Et c'est bien heureux. On a hâte de voir et de pouvoir réagir aussi à ce qui va sortir de la part du gouvernement du Québec. Simon Letendre, adjoint à la direction à la Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Merci. Et bonne journée. Au revoir.